Haute couture que je peux bêter ton corps, un coup de Burberry. Aïe, aïe, Burberry. Peu importe ta couleur, devant le canon, peur bleu, clic, pas. Aïe, Burberry. Peu importe ta couleur, devant le canon, peur bleu. Charclé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc au sol je te laisse. Je recale les maisons de disco-tel pendant que dans le blush ta bitch me lèche. Trône but pour l'hôtel pendant que tu fais tes bails au telo. Moi mes négros revendent la frappe, sont sur le rinté comme Balotelli. Je te charque, une fois, deux fois, hey. Je te chin, trois fois, quatre fois, hey. Et je bois, waouh, comme si j'ai quatre fois. Aujourd'hui à Leader Price, demain en ISO Ice, ouh. La malaï gangst. Wouah. Trois fois, quatre fois. Et je bois. Wouah. Comme si j'ai quatre fois. Hey. Ouh. J'ai dans les chapeaux quelques billets mauves. Et je vois. Cette bitch, ils ont kiffé la biomon. Hey. Là, je vends la coco, donc je suis vert, berise. Tellement de mal à la haute couture que je peux béton pour un coup de Burberry. Hey. Burberry. Peu importe ta couleur, devant le canon, peur bleu, clic, bah! Hey, berbe. Peu importe ta couleur, devant le canon, peur bleu. Pour tous mes confinés. Hey, j'ai mis trop bien gazo. Hey, je l'ai mis trop bien, j'ai la même voix carrément. Hey, berbe. Bonjour. Bonjour. Salut Alain. Hey, berbe. Tu veux essayer Alain, tu mets le son là? Vas-y. Vous voyez? Vous allez chercher les patients là? Non, je vais là tout de suite. Mais attends, regarde. DJ OSK on the track. I feel strong and calm and weak, and I need to sing a new song to this beat that's a freak. You'll want to swallow this, though it's quite rich. The smooth groove is ridden by the horse with the cool hooves. Soulful music, chew your mouth full before you take another bite. The lore is for you to bake another cake spite. The greenery, take your head out the clouds. Hear the music that's loud and inconvenient, cause it's meant only for all convenience. Shrewd and proud is the penitence of my pain and shame, cause my brain ain't the same as yours. You'll never know my many aches and bores. Slain are the demons that cry out in the rain outside, but my side is nobody, and it hurts me, cause it's 3 a.m. and I'm taken to shining on this groovy instrumental. I've been in isolation in the mental institution. I've been risking insulation cause I defied the sun in my mental prison. But son, there's no risk of me not being caught for arson, cause it's already happened. My skills already sharpened like a knife or a flint. My mind already bent on causing you emotion like a spark of a flirt. Hurt me, why not? Feel the blow from the low or feel the high from the tide that's overwhelming your head like a mighty knight or a bookie knight. I feel the flow of the music. I ain't touching you cause you sick, but I miss my miss. Being stranded in the deep of the night is what I feel. She escapes like an eel while I try to keep the real. Spilled all the beans and it's the end of them. Listen, here comes another gem, like escaping from them who's grim. No car, so no rim, a beautiful beat. So here come beautiful rhymes that stem from the brim of my brain. Coming through and coming true, coming soon after you, my dear, if you don't mind. I felt you shine when we wine and dine. Now I gotta take you to this place in your mental palace, where pleasure's laced with ecstasy in this divine space. Seems like there's no consistency in this song, but persistent is the throng of bars living in your thought. Of no lion's paw have I gotten out, no shard. Plenty rats in my neighborhood, they've scared the mice pretty hard. Roll the dice on the cat's back and watch them bounce back. Take your chance with me or with him, but be warned, he's a hack. And I'm a cool cat with the cool flow and the cool hat. Faire des sous, je suis né pour. Je répète aux bosseurs d'accélérer, je répète à mes petits zincs de continuer les cours. J'ai construit mon bateau comme Floki, j'ai mis un drapeau noir et mon équipe à bord. Pendant que tu faisais le romantique à mort avec des neufs de I sous protoxyde d'azote. Mon rap c'est comme du cinéma d'auteur. Si t'aimes pas le caviar, va bouffer des pâtes au beurre. Paris Rotter, ça fait chauffer le moteur pour éviter de finir au placard comme Potter. Je suis le pharmacien, j'ai tous les médocs. Bien sûr que la fac m'a ouvert des portes. J'ai pas craché sur 100 000 euros, mais je veux le salaire des CH à nouvelle école. Coturon, escalope milanaise. Viens mon roi, y'a des loquis d'amnèse. Pas que avec son pull fil à pêche, fait le nerveux, je crois que dans son nez il a mis la neige. C'est mieux qu'on se voit plus, ça va finir en drame. Dès que je te tends la main, tu me croques les jambes. C'est devenu Eurodaf, signal et télégram. Bientôt ça vend le Kama sur League of Legends. Y'a ce couleur bleue de méthylène. Réussir ou mourir, c'est le dilemme. Pour mon bosseur, faut un scooter et du wagyu pour ma vilaine. À la parisienne comme Bilal. Pour le Yankee, y'a tout ce qu'il aime. Du frozen et du statique, j'côtoie des farmers comme Mylène. T'as signé pour 200 000. T'es toujours en galère. J'suis plus gentil, mais dans l'équipe, ils sont toujours en colère. T'as signé pour 200 000. T'es toujours en galère. J'suis plus gentil, mais dans l'équipe. Merco, let's go, tous mouillés, sapés en liquide, pas en ticket, resto. Recto, verso, rajoute un zéro au contrat, tu sais qu'on a de vrais crocs. Ça fait longtemps qu'ils sont jaloux, mais pourtant ils restent gros. Pour s'en tirer, faut pas manquer d'ambition. L'addition, un café noisette et on repart en mission. À minuit, tu peux croiser Cendrillon. Sans talons qui gratte aux toilettes, un bout d'échantillon. Si je prends 100K, je rachète un fer. Et je te parle pas du que truc qui fait vroom vroom. Paris 1, 3, les petits sont en pierre. À 6h, c'est pas les condés qui font boum boum. T'as bougé ton cul, c'est pour ça qu'on te paye. Je les vends tout petit comme une grande taille. J'en commande 4. Eux pour une seule ils ont pas l'oseille. Y'a ceux qui l'ont pris, ceux qui l'apprennent. Ceux qui ont compris, ceux qui l'apprennent. Y'a avant le problème et y'a l'après. J'fais ce que je raconte, j'fais pas la traîne. Y'a tout ce que tu veux, envoie ta position. Pas d'intérim, j'envoie le type en mission. Tu parles comme à ton psy à l'audition. Tu viens de sortir, sors ta déposition. Y'a ce couleur bleue de méthylène. Réussir ou mourir, c'est le dilemme. Pour mon bosseur, faut un scooter et du wagyu pour ma vilaine. À la parisienne comme Bilal. Pour le Yankee, y'a tout ce qu'il aime. Frozen et du statique, j'côtoie des farmers comme Mylène. T'as signé pour 200 000, t'es toujours en galère. J'suis plus gentil, mais dans l'équipe, ils sont toujours en colère. T'as signé pour 200 000, t'es toujours en galère. J'suis plus gentil, mais dans l'équipe, ils sont toujours en colère. J'ai grandi dans la rue, j'ai fini amoureux d'elle. Ouais. Le soir, je fais de la bouteille, je repense à tout. Tu faisais quoi là, Chilo? What you've got is a whole miserable subculture. The jokes, the pushes, the addicts, everybody. The jokes, the pushes, the jokes, the pushes, the addicts, everybody. The jokes, the pushes, the jokes, the pushes, the addicts, everybody. The jokes, the pushes, the jokes, the pushes, the addicts, everybody. The jokes, the pushes, the jokes, the pushes, the addicts, everybody. The jokes. up every day, I give thanks that I could breathe. Cause I know there was a few of us here that had to leave. I'm happy for a life that I didn't have to thieve. Cause the soul to the devil was one you can't retrieve. It's been a long time since Pumas and Gabardines. Now it's Timberland, Boots and Maurice, Malone jeans. At every intersection, I'm stopped by crack fiends. Cause the order of the day is get paid by any means. There ain't much to separate me from that shit. Like my mom's and my 8th grade teacher, and that's it. If I didn't have him there, then I guess that. Non, je vois la partager, t'inquiète. Non, t'es fou, t'es fou. T'es malade, quoi. Après, t'inquiète. C'est un l'autre là. C'est le gars, même il a la calvitie un peu. Non, le blanc là. La calvitie là. Il est parti en bas, je crois. Pardon ? Vous êtes à cette place-là ? Non, vous restez là, moi je vais me mettre là où il reste sur place. Vraiment. Hop, je vais vous donner un casque. Okay. Casque confortable. Attends, mettre un autre casque qui soit un peu moins. Celui-là, c'est ceux qui sont confortables. Ça va, ces casques, c'est trop serré. Tiens, mets-toi. D'accord, là, voilà, tu peux parler comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche, hein. Ça fonctionne. Voilà. Ok, je vais juste mettre une petite pour que. Est-ce qu'on a un petit programme pour aujourd'hui ou pas ? Non. Programme spécial Goku. Tu vas faire quoi ? Programme spécial Goku, beaucoup. Goku ? C'est quoi Goku ? Dragon, vous êtes beaucoup Goku, j'étais. Ah, génial. Voilà. On a la chance d'être avec Ignaltino et toute sa troupe. Sa troupe de, de, Comment on appelle c'est les hétéronymes ou un truc comme ça. Le tout pas vert. Attends, je vais mettre un peu ça pour l'instant. Attends. Je voulais voir un peu de musique là dans la rue. Ça, on va faire. Ok, là. Brésilien, là. Ah, je sais bien. Ouais, j'ai vu. Bon, on est les métanoïaques, là, presque au complet. Métanoïaque ou métanoïa ? Prends le... Tu as pas un micro, là ? Prends-le, là, le micro, là. Non, celui-là, s'il n'est pas branché. Mais tu peux... Vas-y. Comment je le mets ? Bah, à la main, quoi. Voilà. Ouais. On y est, bonjour, métanoïaque, on est tous... Bonjour, métanoïaque, c'est pas commencé. C'est presque commencé, on est tous... Vous entendez bien ? Oui, j'entends super bien, merci. Il faut mettre le... Adrien, tu peux mettre le micro à madame, là ? La sucette, un peu mieux comme ça. Il faut fermer un peu parce que ça tourne. Enfin, il faut que tu fermes le... Voilà. Et peut-être monter un peu plus, ouais. Tu vas me le mettre dans le nez tout à l'heure. Ouais, voilà. On est presque, on est à 9 minutes de... pendant que Ignaltinho et ses frères et sœurs, que seulement nous on voit pas parce qu'ils sont autour de lui, et sont il y a un qui est dans son épaule droite, Thomas, voilà, il est là à côté de moi avec toute sa famille. Ignaltinho, bon, après tu diras tous les noms, hein, je connais pas tous les noms. Moi c'est Aline. Aline. Lila. Aline. Bienvenue Aline. Ok, on va créer tout ça. On est à 10 minutes de la du début de l'émission de Pétanoïaque en direct sur Pinode. Et voilà, et on va connecter à notre micro au cas où. Pardon, excusez-moi. Si on se fait du flic, vous posez des questions. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas participé à une émission radio. On peut dire ce qu'on veut, mais pas de gros mots. Bon, à part zut et merde, c'est pas des gros mots, ça passe. Oui, non, mais moi j'aime bien me renseigner pour pas faire de fautes. Oui, mais quand même, faut éviter. Il y a des mots, il faut pas dire. Ah ben non, j'avance pas, moi. Faut pas avancer, faut désavancer. Voilà, je suis d'accord. Explique-toi, Inès. Je suis d'accord. Inventer, c'est inventer à son présent, et désinventer, c'est penser à inventer. Allah est grand. Allah Wakba. Ouais, ouais. Ah, faut rigoler. Hein. Allah Wakba est grand. Oui, il est grand. Merci à lui d'être parmi nous. Et à tous les autres croyants. Merci à vous d'être là parmi nous. Et sinon, on ne dit pas tous les croyants, on dit à tous les chefs, c'est-à-dire tous les chefs, c'est à tous les prophètes. Oui, je sais. Et je parle de leur chef. Amen. Ouais, il y a le chef du prophète. Voilà. Voilà. Amen, au grand. On va pouvoir se marier et divorcer en 2 secondes. Pouh. Histoire de rigoler. Ah ouais. On va histoire pouvoir se marier pour toujours en 2 secondes. Je sais pas, je vais réfléchir. On va même pas pour se marier et pour 2 secondes, parce que se marier, peut-être ça pourrait être quelque chose de mauvais. On va épouser pour de bon et pour toujours. Voilà. Je vous le confirme. Les divorces sont plus chers que les mariages. Que les seuls qui ont raison dans tout cet hôpital. Et les gens se rendent pas compte. Et vous, madame, quelle est votre profession ? Ah, c'est bien alors. Enchanté de vous rencontrer. Isabelle. Enchanté. Merci d'être avec nous. Oui, hein. Pour dire merci à tous ceux qui viennent, hein. C'est important. Parce que sans les gens, ils ne viendraient pas, on n'aurait pas d'émission radio. Déjà, moi, dès que ça va s'allumer, je vais avoir peur. Je me connais, je parle comme ça, mais après, au micro, j'ai peur. Your only option. You can shovel like me with the chopsticks. Power leveling up as the clock ticks. Thought you were flying to meet. My whip is the Nimbus and I'm in the cockpit. Tell me when did you die for your team? I'm battling beasts but you're out in the tropics. What if I ain't get ripped in the chamber? You got faith in that clip in the chamber? All them shells is a walk on the beast. The only surface is you scratching the feet. Artillery, you ain't pissing that armor. Look at Cell, what's a slug to a larva? Now that I'm missing the family picnics, y'all would be dead if I didn't get stronger. Fight the best, but I born him in best. And young and man, cause I live for the test. You only grow when you stay on the end. I see straight to the end. I put in work so you can play with your friends. And I'm in the dirt instead of shaking your hands. You can let me do me and you can do you. I stay cooking these fools while you're cooking your food. My own heart and they kill me cause you couldn't help. If you wanted something done, then do it yourself. I've been grinding daily above my training. Oh, you think you can take me? Well, I don't play BK. Level up and face me, cause you don't face me. You messing with the deity. Look what they made. I level up when these villains run amok. I level up. Alors Alina va parler de comment on est reçu ici. Martin, tu fais quoi? Aujourd'hui, Martin? Tu veux parler de quoi? Attends, je t'entends pas. Attends, va... oui. Allez-y, allez-y. Bah, je suis contente d'être là, comme déjà. Mercredi. Oui, pardon. Ouais. Voilà. Bon, de chanter, je sais pas chanter, alors. Bah, tout le monde ne sait pas chanter, mais on peut essayer. Bah oui, on essaye là, ici, oui. on fait ce qu'on peut, ce qu'on veut. On est en 2 minutes, on est dans l'air. Hein. On est en ligne, en direct. Attention, messieurs, dames, ça va péter fort. On est en l'air. Non mais péter. Oh. On est en l'air à l'envers. Non mais attends, je dis péter fort et tout le monde rigole. Bah ouais, ça fait rire. Péter fort dans l'ambiance. Ah, elle est bonne celle-là. Bah ouais. Je ne sors pas là-bas. Bah ça, c'est Aline. Dans l'ambiance. Hein? T'as dit quoi, Doumi? Péter fort dans l'ambiance. Voilà. Il y a un petit programme aujourd'hui, Men va dans la cave. Et juste 3 minutes ou 4 minutes, je sais pas, mais... Ouais, non, 3 minutes ou 4 minutes, on explique tout, on revient. Ça va être long. Non, 4 minutes, 3 minutes, comme disait Cousteau, aiguise bien tes couteaux. On est à 1 minute. Le pain, le micro, il y a un casque. Ah, tu l'as. Oui, c'est la grave. Pour l'instant, il veut pas entendre les bêtises de la femme. De la qui? Ok. Les bêtises que je dis. Quelle bêtise vous dites? Vous dites pas de bêtises, si ou pas? Non? Si, j'en dis, hein, mais c'est ça qui fait rire. Bah allez-y, là. On va commencer avec des bêtises aujourd'hui alors. Oui, pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter les choses? Bah oui. Allez-y, première bêtise. Première bêtise, vous voulez que ce soit moi qui commence à dire les bêtises? Ah oui. Ah non, non, salut, pourquoi ce serait moi qui commence? Tu viens à la radio avec nous, Emna? Tu viens à, la... viens à la radio un peu? Allez. Bon. Alors à la radio, je me présente, je m'appelle Aline. Emna. Merci. Vas-y Aline, on est en 1 minute, on est en direct. Alors moi je dis que des bêtises. Donc j'attends que les gens y parlent et quand les gens y parlent, je raconte des bêtises. Ok, attends, le micro il est un peu loin de vous là. Attends, c'est quoi ton micro? C'est le 4 ou c'est le 3? Allez-y, parlez pour voir. Qu'est-ce... Allô, allô, ici Aline, voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Aline. Oh, avec casque ou sans casque, on n'entend que Aline. Aline, et j'ai crié, crié à Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, parce qu'elle n'est pas partie assez vite. Voilà, bienvenue à la radio Les Métanoïaques, ou Métanoïaques, ou Métanoïaques, comment ça s'appelle? Il est mercredi. C'est 31 aujourd'hui, non? Non. 30. Alors 29. Ah, 29. C'est même pas ça, date, maintenant. Oui, d'accord. Je sais même pas, on l'a perdu. C'est, on avance, parce que déjà, c'est le mois d'octobre, avance, c'était un peu dur. Mais ça va. On est là, on est avec Les Métanoïaques, ça va mieux. Chaque fois que je vous vois, les choses vont mieux. Donc on était avec Aline, qui c'est la première fois qu'elle vient ici. Enchantée tout le monde, très heureuse de pouvoir vous parler grâce à cette radio. Nous aussi. Ouais, donc bienvenue Aline. Et donc vous dites que vous voulez parler d'un sujet, de comment on est reçu ici, c'est ça? Alors on est très bien reçu ici, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On est bien mis en place, on a ce qu'il faut pour nous servir, même les repas. Bon, des fois les repas ne sont pas tout. Hein. Moi ça fait 2 jours qu'ils nous servent des pommes de terre qui ne sont pas cuites, donc ce n'est pas évident de les manger. Mais on ne risque pas de perdre le dentier, on est bien nourri. C'est bien décoré, tout va très bien, c'est chaud quand il faut. C'est parfait. On a des bonnes choses. Les soins sont bien appropriés. Donc, il ne faut pas dire que, sous prétexte qu'on est dans une situation de chez Villévrard. Pas cracher dans la soupe, quoi. Mais tous les Villévrards ne sont pas comme on les a connus à une époque ancestrale. Ah, il faut dire qu'aujourd'hui, l'esprit est beaucoup plus ouvert. Ah oui, regardez Dominique, comme il est ouvert. Lui, il est toujours ouvert, lui. Dominique, il est ouvert. Hein. En plus, on a des beaux infirmiers, on a des beaux animateurs, on a des belles infirmières. Oh. Hey, du bonheur. Ah, attendez, oui. Vous vous réveillez, vous voyez un bel homme au-dessus de vous. Oh. C'est du bonheur. Ah ouais. C'est une belle femme. Ouais, j'en connais quelqu'un, un chroniqueur de la radio qui, des fois, il tombe dans les mains des belles infirmières comment ça s'appelle, à l'hôpital, à Jean Vervier. Salut, chroniqueur de. Tu veux parler déjà, chroniqueur de. Gastrosophique, il arrive. Aline va finir et après c'est. Oh, Aline, elle va dire des bêtises, il va me. Bah, taper, vous avez hein, les droits. Il va me mettre la fessée, hein. Vous avez les droits de dire des bêtises, madame Aline. Je disais que le docteur était très bien. Oh, Lafayette. Oh, Lafayette. Ah, Lafayette. Hein. Lafayette. Ok. C'est pas vrai, docteur. Vous savez très bien que vous et moi, on s'entend très bien. Donc, c'est pas Lafayette. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais vous savez que je vous respecte et vous me respectez. Paix à mon âme, on a de la chance d'avoir des docteurs aussi qui sont bien, qui nous écoutent, qui ont toujours un temps à nous accorder. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. On est dans un monde où on peut vivre quand même, même avec une pathologie. Ah oui. Croyez-moi, c'est pas un crime. On est tous malades, quelle que soit notre pathologie. Ici, on a les médecins, les psychologues, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes. Ouais, juste en lien aussi. Des fois, les psychiatres, on les ramasse à l'appel. Ah. Ouais, mais ça, c'est un peu normal, on les a saoulés. Ah oui, il y a plus personne veut faire de la psychiatrie aujourd'hui, ils sont tous saoulés quoi. Je crois qu'une fois qu'ils nous ont connus, ils ont arrêté. Ouais. Tu peux donner peut-être le micro à Pedro. Ça va là. Pedro, on vous attend. Et bon, Alic, vous pouvez continuer à dire des bêtises. Non, mais moi ça va, oui, moi je suis la reine des bêtises. Moi. Alors si vous voulez des bêtises, vous allez m'entendre, même si mes collègues parlent. Bah, vous dites une bêtise chaque combien de minutes? Oh, bah, chaque fois que j'en ai envie. Voilà, une autre bêtise alors. Ah bah, pourquoi je vais vous dire encore une autre bêtise? Bah, parce que c'est votre spécialité, c'est vous êtes la chroniqueuse des bêtises. Alors je suis peut-être la chroniqueuse des bêtises, ça on peut reconnaître que je dis des bêtises souvent, mais je laisse les collaborateurs qui sont présents à la radio, je leur souhaite bien du plaisir que vous soyez là. Merci d'être venu. Moi c'est la première fois, alors vous imaginez, pour la première fois je parle tout le temps. Donc on va laisser les autres parler, si j'ai une bêtise à dire, j'interromprai la conversation et je dirai la bêtise. Ok, super, on a Aline, notre nouvelle chroniqueuse des bêtises. On n'avait jamais eu des chroniqueurs de bêtises ici, hein. N'est-ce pas notre chroniqueur de la gastrosophie qui est juste à côté, qui est là depuis le début de la radio. Oh, moi je suis la reine des bêtises. Voilà, on a un chroniqueur. Ah, monsieur Serra, c'est vrai, je suis la reine des bêtises. Les meilleures bêtises sont celles de Cambrai. Est-ce que vous connaissez les bêtises de Cambrai? Je connais un peu, mais alors... C'est super bon, c'est ça ce que vous nous en ramenez. Ils sont super bons à sucer. Mais ça, ils ne veulent pas que je participe à la radio. D'accord. Je ne participe pas à la radio. Oui. Je ne participe pas à la radio. Je peux participer à la radio, s'il vous plaît. Vous participez, oui. Mais ça, ils m'appellent, ils ne veulent pas que je participe. Mais on se pose normal et on est poli, on attend son tour et tout va bien. Mais ça, ils m'appellent, ils ne veulent pas que je suis en train de. Moi je peux pas tout faire. Hein. Si vous l'appelez qui me laisse à la radio. Taisez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, attendez là. Mais restez là. Ok. Okay, on était justement. On était en train de parler des bêtises de Cambrai. Les bêtises de Cambrai sont une douceur. Mais il faut attendez. Il faut les sucer, il ne faut pas les croquer, hein, sinon on perd toute la douceur du bonbon. Ah, d'accord. Justement, ça fait le passage à notre chroniqueur de la gastrosophie. La gastrosophie voilà. N'a pas beaucoup d'idées aujourd'hui, donc je vais essayer d'improviser une fois de plus, comme la fois dernière qui a été un grand succès, tout le monde a pu parler. Aujourd'hui, justement, sans j'aimerais péter. Bien parler de l'idée de goûter. Le mot goûter est un mot polysémique. Il y a plusieurs sens différents. Il y a le goûter, déjà, tout à l'heure, à 4 heures. Vous avez renoncé à votre goûter pour venir à la radio. Vous venez à la radio après le goûter. Mais parfois, on goûte des aliments. Et en anglais, goûter et tenter, et essayer, c'est la même chose. Vous voyez, donc, il faut toujours essayer. Parfois, on est tellement habitué à des vieilles habitudes, à vieux réflexes, et qu'on dit non, j'aime pas ça. Et vous connaissez la fameuse phrase des enfants, non, j'aime pas ça. Et le parent lui dit, mais tu l'as déjà goûté ? Non, j'aime pas quand même. Ouais. Hein ? J'aime pas. Moi, je pars du principe qu'à un moment donné, si l'enfant a déjà goûté qu'il n'aime pas, il a le droit de dire qu'il n'aime pas. On ne peut pas tout apprécier dans la vie. Ouais. Mais il faut aussi goûter les paroles. Parce que souvent, il y a des paroles, quand on les goûte, elles sont... Mais elles sont des fois, c'est goutte à goutte, hein, les paroles. J'ai envie de dire une chose. Oui, il y a aussi l'effet d'être accueilli par Junior Serra. Je remercie beaucoup. J'étais SDF, on m'a volé deux portables. J'étais alcoolique, j'étais interdit de Jean Verdi à Vincennes. Je dormais dans la rue, ma volée de portable m'a tapé. Maintenant j'ai arrêté l'alcool définitivement. Maintenant je me mets à la prière et j'ai arrêté l'alcool. Voilà, bravo. C'est tout ce que j'ai. Alors bravo, vous allez goûter à l'abstinence. Et merci beaucoup, Jean Serra. C'est gentil, Jean Serra, de m'avoir accepté. Isabelle. Isabelle, tu as dit que le goûter était un mot polysémique. Polysémique. Plusieurs sens. Poly. D'accord, je savais pas. Nombreux. Ça veut dire quoi, polysémique de Verserra ? Plusieurs sens. Mais sémi, ça vient de sémantique. De la Faut passer par sens pour avoir la foi. Excusez-moi, je vais demander 2-3 minutes de silence pour écouter un épilogue de Goukou qui est très important pour moi. Si vous voulez bien l'écouter, si Martin veut bien le passer, s'il vous plaît. Ok, on demande à les chroniqueurs astrosophiques qui est en train de parler s'ils autorisent à notre chroniqueur du système solaire. Non, mais je pense que le message est passé. Le message est passé parce que on goûte, on essaye. Monsieur, il va goûter à l'abstinence d'alcool qui est une vieille habitude. Il va goûter à un autre mode de vie. Il va goûter au plaisir de sa propre religion. Vous allez goûter au plaisir. Goûter au plaisir maintenant. Est-ce que je peux passer un épilogue de toi et un épilogue de moi ? Et donc, essayons avant de dire oui, essayons avant de dire non. Quand on signe un contrat, il y a toujours une période d'essai. Quand on a un aliment qu'on ne connaît pas, on essaye toujours de voir si c'est bon, c'est pas bon. Quand on nous dit c'est bon pour la santé, c'est un élément supplémentaire que nous pousse à essayer. Et quand on dit c'est pas bon pour la santé, c'est un élément de plus que nous pousse à résister, excusez-moi, à ne pas essayer. Donc, le message est passé. Je passe la parole à Ignaltino, Igualtino, Lima, Da Cruz, Dos Santos. À la radio, la règle, c'est attendre son tour. Maintenant, la parole à Ignaltino. Vas-y, Ignaltino. Je passe un épilogue de mes deux petits frères, beaucoup et beaucoup. S'il peut passer à voix haute à la radio ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans Dragon Bouzet récemment. La voix, s'il vous plaît. Oui, on y va, attends, hop. La voix de Whis, résonnant depuis une autre dimension. Non, Coco, arrête. Mais il était trop tard. L'énergie colossale détruisit tout ce qui les entourait. En un éclair, Whis apparut dans le chaos, tendant son bâton lumineux. Il enveloppa Bardock, étendu au sol d'une aura d'énergie, et le transporta à l'intérieur d'un cube magique volant qui traversa la tempête à une vitesse inimaginable. À l'intérieur, Bardock était allongé, haletant, son souffle saccadé. Whis s'assit devant lui et fit passer son bâton au-dessus de son corps pour soigner ses blessures. Bardock, debout, en colère et à larmes, « Où suis-je ? Whis, traître, je vais te tuer !» Whis, d'une voix pleine de tristesse et de mélancolie, « Calme-toi, Bardock. C'est pour le bien de nous tous. » Bardock s'arrêta un instant, perdu. Whis lui expliqua rapidement tout ce qu'il s'était passé mais Bardock resta incrédule. Pourquoi as-tu fait ça, Whis? Tu as réveillé un monstre en dehors de mon fils. Il a complètement perdu le contrôle. Whis, d'une voix rauque, le visage chargé de regrets. Je suis désolé, Bardock. Je n'avais pas le choix. Si nous ne l'avions pas éveillé, nous n'aurions plus aucun espoir face à ce qui arrive. Ce qui arrive, on peut dire. Le grand gouverneur, Whis hacha lentement la tête, ses yeux brillant d'une lueur hâle. Oui, il a ressenti ce qu'il s'est passé. La barrière qui cachait notre énergie arrivait déjà. Il est trop bon ce cookie granola. C'est cookie granola. Après, le granola. Ah, c'est bon, là c'est bon. Encore de la pub. Ouais, c'est pas possible. C'est bon, vrai. Normal. Bon, et il faut dire qu'Inaltinho, c'est notre chroniqueur du système solaire. C'était les chroniqueurs du système solaire, maintenant c'est les chroniqueurs de la galaxie. De la galaxie du ciel et du ciel avec un C. La galaxie et du ciel avec un C avec un C. Après tu vas parler. Il est trop dans les galaxies, dans les planètes. Il est trop dans les planètes avec Raymond. Et ils sont tous les deux en des bottes. Ils sont trop dans les galaxies. On était des potes. Ils étaient des potes avant. Ils sont toujours des potes. Tu es Raymond. Non, mais on était des potes. Attends, Ignatinho, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la galaxie? L'âme séparée du corps. Mais avant que quiconque ne parle encore, la voix de Beerus s'éleva tranchante comme une lame de feu. Une prison éternelle? Idiot. Crois-tu vraiment qu'un tel endroit pourrait arrêter Goku? Tous les regards se tournèrent vers lui. Il continua, furieux. Les Saiyans évoluent face à l'impossible. Même en enfer, ils renaîtraient plus fort que jamais. Et alors, personne ne pourrait arrêter. Ni moi, ni vous, ni même Zeno-sama. Un silence terrifiant s'abattit sur la salle. Le grand gouverneur tourna les yeux vers Beerus, un léger sourire sur les lèvres, et dit d'un ton glacial « Tes paroles transpirent la peur, Beerus. Aurais-tu peur de ton propre élève ?» Beerus serra les dents sans répondre. Alors, une voix douce s'éleva depuis les rangs du fond. C'était Vados, sœur de Whis et assistante du gouverneur de la destruction de l'Universis. Ce qui doit lui être donné. J'ai rien compris. Tu peux répéter, Ignaltinho? Beerus, c'est le juge de la destruction. C'est-à-dire, il donne à autrui ce qui doit lui être donné. En fait, il donne à l'autre, c'est ce qu'il veut recevoir, c'est ça? Mais c'est tout le monde fait un peu comme ça. Hein. Tout le monde. Enfin, toi, par exemple. Moi, tout le monde fait un peu comme ça. Ouais. Enfin, toi, tu nous donnes tes connaissances du système solaire de la galaxie. Non, je ne donne pas mes connaissances, ils donnent leurs connaissances qui leur appartiennent. Partagent leurs connaissances. Ouais, ils partagent, mais Inaltinho, c'est quelqu'un de très généreux. Parce qu'il, il parle des choses que personne d'autre parle dans la vie. Par exemple, Inaltinho, avant, il nous disait bon, il n'y a pas de problème sur Saturne, il n'y a pas de problème sur Neptune. Il nous a appris pour comment. Il nous a appris, Inaltinho, dans une émission devenue célèbre, dans la planète radio, comment on peut se décoller pour voyager dans l'espace. Tu peux nous répéter cette formule? Alors avant, quand j'étais chez moi, à la maison, je prenais juste une douche chaude, je partais du système solaire. Maintenant, j'ai même plus besoin de ça. Juste, je pense, et j'apparais là-bas. Juste, je pense. Mais des fois, quand j'ai pas le choix, je prends une douche à l'eau froide, j'apparais sur la Lune. Quand je prends une douche froide, j'apparais du système solaire. Voilà, c'est, vous avez compris? Il faut alterner une douche chaude, douche froide. Et vous partez à la vitesse de la pensée. Parce que la pensée, ça va plus vite que la lumière. Hein. Oui. Hein. Bon, voilà. Inaltinho, et quoi d'autre alors? Trembler toute la salle. C'est bon? Quelle idée magnifique, Vados. Une intelligence rare, bon. Ma chère fille. Est-ce que, Inaltinho, tu voulais nous présenter un peu tes nouveaux doubles? Alors. Y a qui alors, autour de toi? J'ai deux petits frères Alistair de moi-même. Trois petits frères Alistair de moi-même qui sont nouveaux. Dont un qui s'appelle Gogito. L'autre s'appelle Vigito. Et l'autre s'appelle Mojito. Mojito. Ouais. Ça, il se voit aussi. Et moi, parmi eux, je m'appelle Gogeta. Ah, Cogeta, on t'appelle dans... Cogeta, ou ils peuvent m'appeler Vroli. W-R-O-L-Y. Vroli. Vroli. Waouh, c'est beau là. Et ça vient d'où ces noms? Bah, c'est des noms que j'ai choisis comme ça, que j'ai imaginé, que j'ai pensé, que j'ai trouvé bien et que j'ai dit, ça fait un peu gangsta, donc je me suis dit, c'est bien. Quoi. Vroli, c'est super, ouais, ouais. Donc, mais tu te parles dans quel langage avec tes doubles là autour de toi? C'est la télépathie, c'est après, quoi? Après, mes doubles à l'intérieur de moi, ils ont un peu, des noms un peu bizarres, mes doubles à l'intérieur de moi, Rigor, Xicor. Ah ouais. Ah ouais. Rigor, Xicor, et après Gorxi, après. Hein. Gorxi, waouh! On va les écouter un peu. Ok, vas-y, on va les écouter. Tinte, lui aussi, Goku, son père. C'est pas eux, pardon, c'est pas eux. C'est pas eux, c'est pas eux. C'est pas eux. Mais tu as toujours Igualtino ou pas? Igualtino, il va de mieux en mieux, mais il y a toujours le juge à l'intérieur de lui-même qui lui pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il fait pas, pourquoi il le fait pas. Ah ouais. Des fois il est inculpé, des fois il est inculpé, mais bon, il, voilà. Il est toujours le temps limite, Igualtino, il est limite la loi, lui. Hein. C'est pas vraiment un hors la loi, mais. Ou peut-être c'est un hors la loi, mais il se débrouille quand même. Il arrive toujours à s'en sortir. D'accord, ouais, non, mais si tu as. Les juges à l'intérieur de toi, il est sévère des fois, hein? Ouais, des fois il est un peu sévère, des fois. Parce que des fois il me fait dormir beaucoup. Des fois j'aime bien dormir, des fois j'aime pas trop dormir, mais bon, ça demande des fois. Il t'a dit va dormir, quoi, c'est ça, hein? Bon, mais moi, c'est bien, tu as tout un monde à l'intérieur de toi. Hein. Tu n'as même pas besoin de. Il fait un joint, il te fait un gros joint, là. Parce que tu sens bien. Un gros joint, là. Ouais. Il veut carrément la chicha. Non, la chicha de joint. Oui, la chicha de joint, c'est ce que j'aime bien. Bah, avant, il fumait ses médicaments. C'est pas toujours. Il fumait ses médicaments. Ouais. À la place de le prendre comme ça, normalement, il est fumé. Il est fumé, ouais. Bon, en tout cas, là, il paraît tout en ordre avec le monde. Tu veux mettre une chanson pour moi? Ouais, mais tu voulais parler de quoi déjà? Moi, je vais parler de ma vie. Vas-y. C'est une chanson de Marc Lavoine. Mais attends, parce juste que. Juste le rythme de Marc Lavoine. Parce que pour l'instant, il est occupé là, Ignaltignol, ils sont en train d'accord, de chercher. D'accord, après, on attend. Mais tu peux parler déjà avant la chanson, vas-y. J'étais dans la prison, j'étais dans l'hôpital. J'ai passé 2 semaines très bien. Et un pote à moi qui est arrivé, je fume pas de shit, il m'a fait fumer du shit. J'ai acheté du CBD, on m'a viré de l'hôpital parce qu'on croyait que c'était du shit. Alors que moi je fume pas de shit, c'est l'alcool. Je me suis retrouvé dehors SDF, on m'a volé 2 portables, on m'a agressé. J'étais un colique, je buvais trop d'alcool. J'étais interdit de baisser, j'étais interdit de j'emmerder à cause de l'alcool. J'étais bourré, il me sortait dehors. Je dormais dans le métro et on m'a volé un iPhone 14. On m'a volé un A14. Le cœur de ma chaîne A14. Maintenant, je me retrouve sans portable. J'ai plus de Gmail. Le foyer, j'ai fait une demande. Je me retrouve sans portable. J'ai juste un petit portable à 60 euros. Un petit portable à 60 euros qui fait juste des appels. On m'aide pas en bas, on m'aide pas les infirmiers pas en bas pour trouver mon Gmail, pour que je puisse trouver mon foyer, pour que je puisse sortir de l'hôpital. J'ai pas besoin d'hôpital, j'ai trop de malade, moi j'ai pas malade. J'ai besoin de toi, j'ai un tour maintenant, Dieu merci, j'ai un tour maintenant, je respecte le règlement. J'ai envie de partir au Maroc, passer 2 semaines, mais le juge, il m'interdit de partir au Maroc. Je vais passer au dépôt parce que je suis pas malade. J'ai interdit ma femme, elle voulait la maison du bled, on est arrivé le 2 septembre. Il m'a pris la tête parce que je suis malade, il voulait profiter de moi, j'ai ramené du bled. Il voulait profiter de moi pour prendre ma maison, j'ai déjà été divorcé une fois. J'ai pris un donnant. La maison, là, je l'ai vendue, j'ai pris la moitié. Maintenant, j'ai la maison, elle a mon nom, ma famille m'a pris pendant un mois la tête pour la maison à son nom. Et quand elle est arrivée ici, elle a changé d'avis, elle a appelé la police. Elle a dit, je l'ai frappé, je change la frappe. Elle a dit, vu que je suis malade, la police. Elle a dit que j'étais dangereux pour elle et moi, ils m'ont emmené au dépôt. le procureur il m'interdit 6 mois de la maison jusqu'au mois de mars. Je paye toujours le loyer parce que j'ai pas envie de 10 enfants. Je paye, j'ai 16 000 euros de loyer à cause de l'alcool. Je paye 1 000 euros de loyer. J'ai 1 200 euros de l'invalidité. Je paye 1 000 euros de loyer. J'ai 50 euros par semaine à cause de loyer. Et j'ai pas envie de mes enfants me se retrouvent dehors. Mes enfants, j'étais là dans la fin à la maison. Mon fils, il a appelé la police. Il me sort retrouvé à la garde à vue. J'étais dehors, j'étais SDF. Il me sort retrouvé à la garde à vue. J'avais un toit. J'ai pas fumé pendant 24 heures, ça m'a fait du bien. J'étais bien, j'étais endormi au moins en sécurité. J'aurais demandé, j'étais reporté plainte, j'aurais demandé, j'ai forcé la porte de la maison alors que c'était pas vrai pour que je puisse dormir au garde à vue parce que je me suis volé le iPhone 14. On m'a agressé les sans-papiers et prennent de Rivotril. Et ils font n'importe quoi, et tous les gens, ils m'ont mis un coup de godot. Ça m'a fait peur. J'étais champion de boxe thaï en 90. Je suis tombé sur un message, je me suis suicidé. En 2013, j'avais des voix. Maintenant, j'ai plus de voix. Maintenant, je suis capable. Le petit cas de commissariat m'a dit que t'étais apte à aller en jugement. Je me suis retrouvé en jugement. Le procureur m'a interdit de 6 mois de la maison. J'ai pas le droit d'aller en contact avec les enfants, avec ma femme, parce que je suis dangereux pour eux. Le procureur de la République, il m'a dit jusqu'au mois de mars, il y a le jugement, je vais aller en prison 5 mois, à présent ferme. Ferme au mois de mars, j'ai jugé. Je sais pas si je suis malade ou pas, si c'est le corps Sarah qui va décider, si je suis malade ou pas, pour pas aller en prison, pour aller à l'hôpital psychiatrique, soit à la prison. Mais je préfère aller en prison parce que c'est mieux que l'hôpital psychiatrique, on pourra fumer du gin, on pourra boire d'alcool. Mais je bois pas d'alcool, j'arrête l'alcool. J'arrête le shit. Je fais pas de shit. Je fais la prière maintenant. Je vais aller en prison. Je vais rester là-bas, j'ai 1 500 euros, le curé Simon on verra de l'argent là-bas. Je vais bien en prison, c'est mieux que la psychiatrie. Il y a des malades à la psychiatrie. Là-bas, il y a des gens bien, il y a des gens normal. On pourra discuter, il y a des bonhommes, je suis un bonhomme. Il y a des vrais hommes, je suis un vrai homme. C'est un vrai bonhomme. Je suis pas une tapette, c'est un vrai bonhomme. En présent, je vais être bien. Je vais passer 5 ans là-bas. J'ai pas de travail. De toute façon, j'ai gagné 5 ans en invalidité. J'ai pas besoin de travail. J'ai passé 5 ans en prison ferme. J'avais dit au Maroc, moi, j'avais pas le droit. On va me dire, j'ai pas le droit d'aller au Maroc 3 semaines, j'ai faire du bien. J'ai pas le droit. Parce que j'ai un contrôle judiciaire. J'ai une maison au Maroc. À mon nom, ma famille l'a volé. Maintenant, il veut divorcer. Mais je paye toujours le loyer à la maison pour pas que mes enfants se retrouvent dehors. Si j'étais un enfoiré, je suis quelqu'un de bien. Si j'étais un enfoiré, mon fils, il a appelé la police. Je l'enlève de la mutuelle pour faire ses dents. J'enlève le loyer. Je paye 1 000 euros, il va se retrouver dehors. Parce que l'année dernière, j'étais interdit de la le bonnet habitat, il m'a dit, si vous payez pas, vous allez vous retrouver dehors, 4 000 euros, on a payé avec l'assistance sociale, 4 000 euros pour que je puisse rester à la maison avec mes enfants. J'ai 16 000 euros de dette de loyer, il reste 8 000 euros de dette. Il m'a dit, si vous ne payez pas le loyer, vous vous retrouvez dehors. Et si je ne paye pas le loyer à moi, mes enfants et ma femme, ils vont se retrouver au foyer. Et je n'ai pas fait de ça. Je paye le loyer. Pour mes enfants, j'ai pas envie de... Moi, j'ai fait... Dieu était dans l'islam, je connais bien le Coran. Dieu, il a dit, tout ce que t'as fait à tes parents, mon père m'a marié à 15 ans, avec la soeur à ma belle-mère. Il a 69 ans, ma femme, maintenant. Et la soeur à ma belle-mère, il a 70 ans, 60 ans. Il a 60 ans, il a 59 ans, ma femme, mon ex-femme. Mon père, j'ai pas de contact avec mon père, j'ai pas de famille, j'ai tout seul au monde. Je suis tout seul au monde, j'ai pas de famille. Mes frères et sœurs ne me parlent pas parce que j'ai divorcé avec leur tante. Et j'ai des problèmes, c'est pour ça que j'ai endorsé. Depuis 15 ans, j'ai des problèmes, jusqu'à maintenant, j'ai toujours des problèmes. Mais le bon Dieu est avec moi. Il m'aide beaucoup, le bon Dieu. Je fais la prière maintenant. Je suis avec Dieu maintenant. Et j'ai envie d'aller au Maroc 2 semaines pour m'évader un peu, pour me sentir bien. mais j'ai pas le droit parce que j'ai un contrôle judiciaire, j'attendrai le mois de mars, le jugement. J'espère que je trouverai le foyer avant de sortir de l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a des malades ici. Avec des malades, ils sont tous malades, je ne suis pas à ma place à l'hôpital psychiatrique. J'avais trouvé un logement pour sortir de l'hôpital psychiatrique et me trouver dehors et faire ma vie. Et ne pas payer le loyer, ma femme se trouver dehors. J'ai recouvert mes affaires. J'ai un truc à dire aussi, c'est que là j'ai un toit, je respecte le règlement. Je respecte le règlement. J'attends maintenant, c'est tout ce que j'ai à dire. Hey, bravo, c'est bien. Et merci pour cette déclaration. Vous avez raconté tout. Attendez. Toute votre. Faire une chanson, s'il te plaît, maintenant. Attends, j'ai une question à te poser. On va te chercher. Attends, j'ai une question à poser à la barre. Tout le monde va parler. On va arriver sur ta chanson, mais déjà, il y a Naltinho qui veut parler, parce qu'on fait comme ça, des ping-pongs. Tu me dis, t'es un bonhomme. Un bonhomme, et tu me dis, t'es pas une tapette. Un bonhomme, c'est quelqu'un qui tape quelqu'un, ou c'est un bonhomme, c'est quelqu'un qui se défend. Je me défends, moi. Ah, d'accord, là j'ai compris. Donc t'as un bonhomme qui se défend. Voilà. T'as un bonhomme, t'es bien au fond de ton cœur, mais tu te défends. Ouais. Certain. C'est le mec. Il a les couilles bien accrochées. Comme on dit chez nous. Bah, tu as raconté toute ta vie en 5 minutes. On va écouter ce son-là. Crilito Criminotino. Hein, mon pote, ça va, mon pote, viens. Et t'as mis, je peux trouver mort, enculé. Chante. Pas le salaire, année, moi. Je suis comme toi, moi aussi j'en ai marre. J'ai décidé le ça, puis le cœur devient noir. Enfermé en cellule, qui va faire riche ta mère. La hache de bête comme un camère, et ton cadavre. Ouais. Pas que j'émule quand je te dis que c'est un peu. Yes. C'est éphémère, mais on court tous après million. Ça m'écoute jusqu'à Lyon. Pour monter, je prends l'escalier. Bon, je prends l'escalier. Alors qu'ils étaient liés. Bon, je prends l'escalier jusqu'à 3 ans, mais je suis en enfer. Je vais. Et j'étais en enfer. J'étais où? J'étais en enfer. On va liquer des mères. Tu sais qu'on va faire rouillard. Maintenant il faut de la CC. On va liquer des mères. Tu sais qu'on va faire rouillard. On va liquer des mères. On va liquer des mères. Criminel avec Tino, criminel. On veut pas de son opinion. C'est pas toi qui parle, c'est moi qui parle. Et lâche-le pépère. Ça vient des fédères. 100% barbare. 100% barbare. 100% barbare. 100% barbare. 100% barbare. Qu'est-ce que tu vas raconter? Et là j'arrache tout en mettant de la volonté. On va recommencer. Une fois dans la tête de rouillard, tout ça a commencé. Si tu veux pécho, si vous pécho, va voir déjà un peu plus chaud. On va niquer des mères. Une fois dans la tête de rouillard, tout ça a commencé. Si tu veux pécho, j'attends plus d'un pécho. Si t'allumes la mèche, t'es flambé. C'est pour le rouillard, il est pas là. Pourquoi c'est toujours les mères? Attends, c'est une bonne question ça. On peut sauter les pères, hein? Ah. Alors, laissons les mères un peu, elles ont assez de travail comme ça, on n'a qu'à sauter les pères. Allez-y, hein, mais vous pouvez chanter une chanson comme ça. Hein. Oui, non, moi je chante pas. Bon, en tout cas, c'était excellent, Ignaltinho. Le retour d'Ignaltinho avec sa troupe. Also, avec ses 6 personnages autour, Igualtinho, Lunor, Vivram. C'est lui qui voyage à partir de sa douche, qui prend une douche chaude, une douche froide, qui va au-delà du système solaire pour aller dans la galaxie, qui nous amène des dédoublements de personnalités pour nous conseiller. Voilà, Ignaltinho. Alors moi j'ai quelque chose à dire. Café, mais il faut le faire. Enfin, moi j'ai quelque chose à dire. Continuez, madame. Alors excusez-moi, vous savez qu'il y a un groupe qui existe qui s'appelle NTM. Oui, on connaît. Est-ce que vous connaissez Joystar et Kouchen, non, on connaît. Voilà. Est-ce que vous connaissez le groupe qui s'appelle STP? STP, non, c'est quoi? Ah bah c'est le premier, c'est Nique ta mère, le deuxième, c'est Suce ton père. C'est Arthur tout ça. C'est Arthur tout ça quand même. Bah ouais, mais quand tu regardes bien, quand ils ont commencé à prendre ces initiales-là, les trois quarts des jeunes, à l'époque, je dis bien à l'époque quand ils ont commencé, les trois quarts des jeunes disaient « Nique ta mère » en NTM. Donc quand ils ont commencé à chanter et à devenir fort populaires, on disait « Mais pourquoi ils disaient tout le temps « Nique ta mère » et pourquoi ce groupe s'appelle « Nique ta mère » ?» Et moi, il y a un petit jeune, une fois, qui est arrivé près de moi et qui me dit « Hey, nique ta mère !» Je lui dis « Bah, STP !» Il me dit « Pourquoi tu me dis s'il te plaît ?» Ah non, je t'ai dit « Suce ton père !» Suce ton père. Mais tu sais que NTM, c'est fini. Côté, hein. Maintenant, ils s'appellent Suprême oui, NTM. Oui, je sais que c'est fini. Déjà, ils ont dit que c'était pas que « Nique ta mère ». Ils ont dit que ça pouvait aussi dire « Nettoie ta maison » ou « Oui, bien sûr. Même mais, que ta maman mais, aussi. Oui, mais même que ta maman, tu vois. Les jeunes. Ouais, c'est ça. Les jeunes, à l'époque, tu les lâchais dans la rue. Pour eux, c'était « Nique ta mère hein. ». Ouais, mais ça a changé. Quand maintenant, ils s'appellent le Suprême NTM. Oui, je sais. Ouais. Ta maman par son boulot, qu'elle nettoie mais... ta maison. Voilà. Et aussi, vous voyez-vous, en fait, c'est le contexte des générations, en fait. N'abandonne pas le fait de faire ton manger. En fait, c'est le contexte des générations. Avant, tu voyais une fille qui te plaisait, tu lui disais épicée, je t'aime. Elle était épicée. Tu lui dis, voilà, elle était épicée, tu lui dis je t'aime. Tu vois ? Maintenant, tu lui dis pas je t'aime, tu lui dis. Ouais, t'es bonne. Voilà, c'est générationnel, t'inquiète pas, ça a changé. J'ai beau avoir 63 ans, mais je suis la jeunesse. Hein. J'ai okay. aussi eu des enfants, j'ai eu 4 enfants et j'ai 15. Ok, on écoute ça. Et j'ai 15 ouais, petits-enfants. Très bonne comédie, Matino. Très bonne. Ouais, et ouais, j'ai 15 petits-enfants. Alors, être à la page, la mamie de 63 ans, elle a intérêt, je te le dis, moi. Ok, elle est à la page. Elle est à la page. Elle est à la page, la mamie. Ah ouais, obligée. Ça marche. Ah ouais, on a du café maintenant à la radio, incroyable. Attends, je veux pas t'aider là parce que je suis en train de faire un verre. C'est pas le café de la radio. Bon, allez-y. Le café du club. Donc maintenant, c'est comme ça, hein. Si tu veux suivre tes petits-enfants, il faut suivre la génération. Hein. Vas-y, parle, tu montes le volume. Mais... Oui. Attends. O amor é unanimidade, mas o dinheiro corrompeu mais que a metade. Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola. Minha nota de felicidade eu quero em dólar. Ah. Bravo! Ué! Bravo! A part le mot. Menina! A part le mot hypocrisie, moi j'ai rien compris. Ah, tu peux traduire. Adrien, tu peux traduire. Yeah, Brasil. Moi j'ai cru comprendre que ça parlait d'argent qui corrompt, c'est ça ? De quoi ? Est-ce que ça parlait de l'argent qui corrompt, corrompait ? La corruption avec l'argent. Oui, avec l'argent, il y en a beaucoup d'hypocrisie, menteur, comme ça. L'hypocrisie. Bah, c'est pour ça que je t'aime plus, t'en as plus. Mais il n'y a pas de l'argent. Oui, mais c'est pour ça que je t'aime plus, t'en as plus. Tu n'aimes pas les gens qui n'ont pas l'argent ? Non, moi je l'ai capté la mamie. En fait, elle dit que comme t'es à sec, bah du coup son amour pour toi, il s'est perdu parce que t'es à sec. L'amour. Ouais. Hey, mon chéri, si tu savais tout l'amour que j'ai sur ce monde, de se faire, tu verrais ce que j'ai fait pour ce jeune homme. Je crois pas qu'il y aurait beaucoup de mamies qui l'auraient fait. Crois-moi. Elle a trop de phéromones, oui, madame. C'est le mari de ma fille. C'est le mari de votre fille. Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Bah oui. C'est le mari de votre fille. Oui, c'est vrai. Mais c'est des histoires. En fait, c'est votre beau-fils, quoi. Ouais, voilà. C'est pas des histoires, c'est la vérité. Et comme après, ils ne pouvaient plus revenir en France, comme ils avaient divorcé, et bah du coup, je suis repartie le chercher en Tunisie, je l'ai épousé juste pour qu'il revienne en France, et maintenant... C'est-à-dire, vous avez épousé le mari de votre fille. Ah, d'accord. Donc, il est marié avec la fille, la mère, en fait. Non, on est divorcés, non. Ah, tous divorcés. On est tous divorcés. Je l'ai fait pour rendre service à ma fille, pour qu'il retraverse la frontière, pour qu'il revoie ses enfants et ma fille. C'est un petit serpent dans le désert. Je suis pas un serpent. C'est un petit serpent dans le désert. Bah, il était tout seul, fallait bien le sauver. Laisse. Fallait bien le sauver, hein. Et comme c'est un homme gentil, et ben moi, j'ai pas hésité à prendre l'avion et à y aller le chercher et le ramener. Oh, il a la chance, celui-là. Hein. Ouais. Moi, je connais pas beaucoup de belles-mères qui font ça. Surtout qu'il s'est marié avec le mari de sa fille. Ça, y a pas beaucoup. Pour le faire revenir, ouais, on n'avait pas le choix. Il faut faire des choses. Mais Alain, attends, tu vas pas, tu vas montrer ta musique. Tu vas pas encore. On a fait les choses propres. Attends, Alain. Ouais, Alain. On a fait les choses propres avec la loi. Ouais. Ils ont accepté, donc on n'a pas fraudé. Okay. On a fait les choses propres. Ça a été validé et tout. Dès qu'on est rentré à Paris, la première chose qu'on a fait, avocat, on divorce. Là, boum. Voilà. Ça vous a coûté combien ? 0 centime. Oh, ah comment... ouais, donnez-moi le nom de votre avocat. Parce que c'est l'avocat de l'aide judiciaire. Comme il ne travaillait pas, il n'avait pas d'avocat. Okay. Donc du coup, on a fait la demande par lui. C'est lui qui a fait la demande. Ouais. Moi, mon avocat, il est aussi pratiquement gratuit, mais je ne vais pas vous le donner. Et comme j'étais d'accord, on a fait ça en tout bien, tout honneur. Maintenant, les divorces... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lui et son jumeau, c'est mes créations. Monsieur, je crois qu'il est à vous adresser là. C'est moi, je crois, cette dame-là. Elle vous adresser, moi, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que lui et son jumeau, c'est mes créations. Alors d'accord, mais moi j'ai pas pris le jumeau, j'ai pris que le vrai. Alors, oui, parce que voilà, c'est-à-dire qu'Inaltinho, c'est un spécialiste dans deux doublés mondes. Oui, oui, j'ai bien compris, les jumeaux. Je suis pas d'accord avec vous, parce que lui et son jumeau qui est en bas et ce monsieur-là sont mes deux créations. Mes trois créations, voilà. C'est toi qui les as créés ? Bah, et lui, tu l'as créé, lui ? Hein ? Bah, lui, il est pas créé par toi. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Ah, mais Inaltinho, t'as créé. Ah, bah, pourtant, ça s'est passé comme ça. Tu veux mettre mon micro, s'il te plaît ? Bah, ça y est, mets ton casque. Je suis pas d'accord avec cette dame-là, elle est psychopathe, cette dame. Non. Mais non, on va pas s'insulter ici. Non, je sais pas. Elle dit n'importe quoi. On ne peut pas l'entonner à Maria avec un. Mais elle a les droits. C'est interdit, ça. C'est pas grave. Dans les stades, en Tunisie, on n'accepte pas ça. Ouais, dans les stades, on n'accepte pas ça. C'est pas grave. C'est un pays musulman. Ici, voilà, la planète Métanoïa. Je connais bien ça, je connais bien ça. Pas si tu vas à l'ambassade de France, demandez-lui, il va vous dire si je mens. On ne connaît pas le tabou, nous. On ne connaît pas l'interdit. Pourquoi vous ne lui demandez pas si je mens ? Bah, exprime-toi. Vous savez qu'il allait dire oui, parce que oui, pour lui, c'est un non, et parce qu'il parle de verlan. Voilà. Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Je sais pas qu'elle a dit. Eh, toi saloperie, tu vas voir. Je vais en parler à ta femme. Je veux l'embrasser, monsieur. Monsieur, je crois que c'est un marais. Monsieur, je crois que c'est un marais. Je crois que c'est un marais. Je crois que c'est un marais. Attends, mais. Attends, je te jure. Oula, oula, il y a deux minutes avant, vous ne le regardiez pas et tout. Il disait oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Là, tu dis bah, ouais, il fait ouais, c'est pas vrai. Ici, la planète métanoïaque, on dit Jérémy, tout peut passer. Hein, tout le pendant, water, tous les mercredis après-midi. Bon, et tout peut arriver. Et Alain, il allait partir, mais on l'a chopé dans les. Alain, notre. Espèce de saloperie vivante, tu vas me payer ça très cher, moula. Bon, les affaires des maris, ex-maris, ça, il n'y a pas de problème. Il veut se marier avec lui, monsieur, il veut se marier avec lui. Il me l'a dit en bas, il veut se marier avec lui. C'est qui doué ? Lui, le mec, le brésilien, il veut se marier avec lui. Bon, on va faire et un. On va appeler l'avocat de madame, là, et on va tous nous marier et nous divorcer avant et après la émission de radio. C'était moi, l'avocat. Non, merci, je l'ai fait une fois. L'avocat pour du diable. Attends, on a l'avocat ici. Attendez, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il dit, l'avocat ici ? Il dit que j'ai l'avocat du diable, ouais. Okay. Tu l'as. Un avocat tomate ? Avocat diablo. Un avocat de crevette. Maître Ognisso. Maître Omnisso. Je veux faire l'avocat, je veux faire l'avocat. Francis, lui parle verlan, toi tu parles franc. Parle franc, Francis. Bon, on va. Et toi, mon grand, viens, mon grand, viens dire à moi. Et alors, tu peux parler javanais, tu fais effet confond. Si vous voulez, je pense ça prendre aux japonais ou aux chinois, comme vous voulez, mais bon. Oh non, j'irai pas jusqu'à là. Hein. Je vais me contenter du bon, verlan. Après cet épisode des affaires domestiques, on dirait, hein, des affaires domestiques, des mariages, de divorce, des choses qui arrivent dans la vie. Vous connaissez beaucoup de belles-mères qui va sauver le mari de sa fille, revivre ensemble et qui revoit ses enfants. Est-ce que vous en connaissez ? Bon, pas beaucoup. Surtout qu'elle s'est mariée avec le mari de la fille, il n'y en a pas oui, beaucoup. Oui, mais on a divorcé 6 mois après, il n'y a rien eu. Juste, il a traversé la frontière et c'était fini. Ok, d'accord. Juste pour le remettre sur le territoire. C'est pas dans sa tête, par hasard, c'est pas dans sa tête, ça. Ok, mais là, on va passer à Alain qui va nous montrer sa musique. Attends, Alain, je te passe le micro. Tu peux me passer ma musique, s'il te plaît ? C'est un petit son en anglais que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours. Vas-y, Alain, fais tourner pour Aline.

On se donne le café. Voilà, il y a du café. Mais qui le café, c'est but d'un. Mais je vous souhaite bonne soirée, tout le monde. Ouais. Ouais. Super Dask, merci beaucoup de là, Alain. C'est non, magnifique. Les prends pas. Ça, c'est, ça, tu l'as fait quand, cette composition? Il y a deux, il y a deux, trois, il y a samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. Putain, c'est génial, bravo. Hein. Ah, tu l'as fait d'un coup comme ça? Ouais. D'un coup comme ça. A plus tout le monde. Bah, merci Dask, Alain. Merci, c'est gentil. T'as un bon sens. Alain, c'est un des premiers à être à la radio Métanoïaque. Il compose des morceaux uniques. Je sais pas, c'est quoi comme style que tu appellerais de sa musique? Boubap? Boubap, voilà. En plus, il sait pas, t'as vieilli ou quoi? Tu veux me mettre un son pour moi, s'il te plaît? Boubap, c'est au niveau du BPM, c'est du rap school. C'est la West Coast, c'est la East Coast, c'est Tupac, c'est Biggie, c'est... Eazy-E, comment il s'appelle déjà? Eazy-E plutôt, Eazy-E, Snoop Dogg. Du côté Est, c'est plus... C'est plus, on va dire, Nas, Jay-Z du côté Est, puis Didi, Busta Rhymes, et du côté Ouest, les légendes Tupac, Dr. Dre, pas 50 Cent, Snoop Dogg, tout ça. Voilà, donc c'est du boom bap. Actuellement, le seul rappeur qui est fort sur le old school boom bap et la new school drill, trap, ou qui défonce tout, c'est Kendrick Lamar. C'est Kendrick Lamar le boss pour le moment, c'est le GOAT. C'est Kendrick Lamar. Il a dit bouge de sa chaise, il veut s'asseoir là. Primo, tu peux dire Chin, non? Parle-moi en caps, frérot. Plus. Chin, tu vois, parle-moi en caps, frérot, MTR. Je sais pas si t'en as le temps de rappeler MTR en vrai. Hein. Moi, je voulais faire un point sur Dominique, avec Dominique. Ouais. Face à tes armes. Tu voulais parler de. Prime, face à tes armes. Dominique, t'étais en train de me dire que l'amour c'était quoi? Deux sphères. Qui se rencontrent. Les yeux et le physique. Le physique et les phéromones aussi. Ça fait beaucoup quand on rencontre une femme. Il y a des phéromones, on les sent tout de suite. Comme les fourmis, l'acide formique. Des sphères, ouais. Des fourmis, ouais. Des phéromones et de l'acide formique. Ouais. Formique. Des femmes. Formique. Formique, pas fornique. C'est des sexuels. Arrête-toi. C'est où arrête, faut arrête, les fornique. Arrête-toi. Non, pas en Bretagne. En Bretagne. Pas en Bretagne. Laisse-le parler. Mais elle peut intervenir. Laisse-le parler. On écoute ce qu'elle dit. Mais j'ai regardé méchant, moi. J'ai rectifié le mot. Dingue. Ouais. Justement, c'est lui qui s'est trompé, donc j'ai rectifié le mot de Dominique. Ouais, excusez-moi. Ouais, mais c'est long quand même. Je sais plus quoi dire. Arrête, Dominique, arrête, on t'écoute. Bah, laisse Dominique, on t'écoute. Bah, Dominique, vas-y, continue, on t'écoute. Voilà. Vous devez l'arrêter. Mais non, c'est pas à cause de moi. Non, c'est pas à cause de moi. C'est pas à cause d'Aline. C'est pas à cause d'Aline. Faut arrêter de me mettre. Attends, donne-moi un avocat, hein. Il est là, l'avocat. Maître Ognisso. Vas-y, moi, je fais quoi, le freestyle, moi? Putain, c'est quelqu'un qui a pété. Eh, Martin, vas-y. Je suis comme un ref, tu vois, quoi. Ouvre la porte, là. On va ouvrir la radio sur la cité. Salut MTR, bienvenue. Ça va? Tu nous fais un freestyle aujourd'hui? Ou t'es au téléphone avec toi? Avec ton producteur? Il est téléphone avec Dieu. Avec Dieu. Tu peux lui parler là. Ouais. Vas-y, je fais un freestyle. MTR, tu prends un casque? Vas-y, pas moi. Tu prends un casque? Vas-y. Je sais pas qu'à péter. Bon, les cafés, il fait péter, il fait rien. Café. Attention, ne tire pas. Hey, MTR. Ne tire pas. Hey, c'est un concours de musique ou